بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. هذه كومنتي بار أبو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب الكورس d'aujourd'hui on va prendre en deux parties, ce qui est un peu long. On va le faire en deux étapes, inshallah. Là c'est la description du rusul du Nabi صلى الله عليه وسلم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث عشر بعد المئة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه. وهذا اللفظ لمسلم ولهما أي بخاري ومسلم من حديث ميمونة قالت ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بهما الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخره أي آخر الحديث ثم أتيته بمنجلي فرده وفيه أي في الحديث وجعل ينقض الماء بيده. Donc dans le 113e hadith de l'Oum Aïcha, qu'elle dit que le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il voulait faire le ghusl de la janaba, il commençait par se laver les deux mains. Ensuite, il versait de l'eau par sa droite sur sa main gauche, sa main droite sur la main gauche. Avec la main gauche, il se lavait le sexe. Ensuite, il faisait l'eau de la salade. Ensuite, il prenait de l'eau et il mettait de l'eau dans la base de ses cheveux, c'est-à-dire à la base des cheveux, le profondeur des cheveux. Il mettait de l'eau avec ses mains. Ensuite, il puisait de l'eau, 3 puisées qu'il versait sur la tête. Avec ses deux mains, 1 versée, 2 versées, 3 versées. Ou avec ses deux mains, ou avec je sais pas, c'est pas écrit que c'est un objet. Donc le zahir, c'est avec ses mains. Ensuite, il versait de l'eau sur le reste de son corps. Ensuite, pour finir, il avait ses deux jambes. Amen. Et toujours pour le Bukhari Muslim, selon Maïmouna, radiallahu anha, dans une autre version du hadith, elle dit ensuite qu'il versait de l'eau sur son sexe et qu'il le lavait avec sa main gauche. Ensuite, qu'il frappait avec le sol, avec la main droite, la main gauche à fond, il frottait le sol avec. Et dans une version, qu'il essuyait sa main avec de la terre. Et à la fin du hadith, elle disait, après avoir donné la même description que Aïcha, que je lui apportais une serviette et qu'il la refusait et qu'il se mettait à faire partir l'eau avec sa main. Avec sa main. Donc là, ces deux hadiths nous démontrent kayfiyat ghusl al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment il faisait le ghusl? Et c'est très simple. Naam. Tayyib. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين. مسألة صفة غسل الجنابة. Donc il dit مسألة, la description du lavage de janaba. Donc le rousse, il a 2 façons d'être fait. Une façon complète et une façon qui l'est moins. La façon complète, c'est celle qui est citée dans le hadith, avec l'eau d'eau, compris dedans. Tamam. Et l'autre, la sifa, l'autre façon de faire, elle est valable, elle rend le rousse valide, mais elle est moins complète. C'est tout simplement le fait de mouiller tout son corps. Tout simplement. De mouiller tout le corps. Il y a un tembi qu'il a fait en ce qui concerne la mazmada, le sincheq, on avait pris dans le wudu qu'il y avait un khilaf, que certains n'avaient même entendu le rousse, l'avaient rendu obligatoire. Et le kalam rajih qu'on avait pris, la bonne parole, c'est qu'en fait, il n'était pas obligatoire. L'istinshaq est wajib dans le wudu, mais pas la madmada. Les hadiths sont venus avec l'ordre, l'istinshaq, c'était pour le wudu seulement, pas pour la madmada. Donc à la base, dans le wudu, l'istinshaq est wajib, mais pas la madmada. Et dans le rousse, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, tu bouges juste ton corps, t'as fait le rousse. Le jeûne. Mais ça, c'est la sifat qui n'est pas complète. Là, c'est pas kamel. Tout jeûne, mais elle est moins complète que l'autre. Celle avec l'ozo. Avec l'ordre et tout, comme ça qui est cité dans le hadith de Aïcha. Il y a un khilaf. On a pris le khilaf. Et ce qui était ressorti par les adillah, c'est que l'istinshaq n'était pas wajib dans le rousl. Dans l'ozo, naam. Pas même, dans l'ozo, naam. Et même là, l'ozo, dans le rousl, n'est pas wajib. C'est mustahab. C'est pas wajib, ça vient maintenant là. Quand les masses alatoun, el ozo, coble, rousli, el janabati. Voyez, donc il dit, à propos de l'ozo, avant le rousl de la janaba. Et ce rousl, il est pareil même pour la femme qui a la haïd. Et c'est le même que pour le Jumu'ah. C'est la même façon de faire. Là, ils appellent Janaba. Quand il y a des trucs en plus, comme par exemple le fait de laver le sexe, tout ça. Ça, c'est en plus. Parce que, comme l'homme a eu des rapports. Mais sinon, la façon de faire, c'est la même. Donc, il cite le parole de Nawawi qui dit que le Odo dans le Rousse, c'est une Sunna. Ce n'est pas une condition. Et ni même obligatoire. Et d'autres Adillah vont venir par la suite qui demandent cela. Comme le hadith de Salama qui va venir, Inch'Allah, dans le prochain hadith. Lorsqu'elle va l'interroger à propos du fait de se défaire les cheveux pour son rousse, il lui dit yakfik an tufidi alayki al-ma, il te suffit de te verser de l'eau dessus. Et d'autres hadiths vont venir. Par exemple, c'est un hadith de Jubair ibn Mat'am qui lui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit amma ana fayakfini an asub ala ra'si thalathan thumma ufid بعد ذلك على سائر جسدي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il m'est suffisant de me laver la tête trois fois puis de verser de l'eau sur le reste de mon corps. Et dans ces hadiths là, il ne stipule pas le fait de faire l'eau. D'autres hadiths qui sont venus où il dit que le fait de verser de l'eau sur toi, ça te suffit. Donc ça démontre que l'eau n'est pas obligatoire. Après il dit mas'ala هل يجزي الغسل عن الوضوء لصاحب الحديثين إذا نوى رفع الحديثين جميعا. Donc il dit, est-ce que le rousse suffit pour celui qui a les deux, Janaba et Hadith Ashar. Il y a les deux. Est-ce que le rousse tout seul suffit pour, s'il met l'intention, pour enlever les deux? Pour ôter les deux. Il y a le Janaba ou le Hadith Ashar. Il cite les paroles de Ahmed et Shafi'i qui disent que cela est valide. Cela englobe les deux. Si Minniya d'ôter les deux, cela est valide. L'école du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu binniyat. Les actes ne valent que par les intentions. Et si jamais cela est valide pour la janaba, min bab awla sayakun sayujdi yani limadun zalika yani al-hadath al-asghar. Que si jamais déjà pour que la janaba ça suffit, qui est comme on dit ça, la fierté majeure, alors les certains qui ont une forte raison, ça va être valable également pour celle qui est moindre. Et les deux également, Shafi et Ahmed, dans une autre version, ou disent le contraire. Que cela ne suffit pas. Car la janaba c'est une chose, et le hadith et l'asrar c'est une autre chose. Donc chacun doit avoir leur purification. Et au final, il dit que la parole, la meilleure, c'est la première des deux en fait. Et c'est également la parole choisie par Cheikh al-Islam, Cheikh Okani et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahumullah. Donc la autre question similaire à celle-ci. هل يجزيه الغسل عن الوضوء إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط? Maintenant, c'est quoi? Est-ce que son ghusl est valide si jamais qu'il n'a pas besoin de faire l'wudu, s'il veut juste enlever le hadath al-akbar? Janaba. C'est-à-dire, il a les deux. Mais en faisant son rousl pour la janaba, Il n'a pas mis la niya pour le hadith Ashar. Donc est-ce que ça enlève les deux? Même Mathalan, il a eu un rapport. Et par la suite, il était aux toilettes, Mathalan. Maintenant, il fait un roussel avec une niya de janaba. Est-ce que cela va faire en sorte qu'il pourra faire la salat directement après? Tamam. Donc là, il rapporte une parole des ulama, du mazhab Hanbali, chez le Shafi'i Kazalik, qui disent que cela ne lui pas rendu valable. Et il dit innamal a'mal bin niyat, car il n'a pas mis la niya pour le hadith al-Ashar. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz dans le défatawa de Najna Daim. Et d'autres ulama est toujours du mazhab Hanbalite, et qui est la parole également la plus authentique chez Shafi'i, c'est cela lui est valable. Cela est valide pour lui s'il le fait. Et c'est le call de Saïd Moussaïeb, et également le calam de Cheikh al-Islam, et de la plupart des savants. Ce même fut rapporté authentiquement de Omar ibn Khattab. Et qu'il est dit, Omar, wa ayyu wudu'in atam min al-ghusl, idha ajnaba al-faraj, akhraj al-bayhaqi, bisnad sahih. Omar, il a dit quoi? Et quel donc wudu est plus valable que le ghusl pour celui qui est en janaba? Qu'est-ce qu'il y a de plus haut que cela? C'est le plus haut niveau, donc si jamais ça marche, ça marche pour tout le reste. Et c'est d'autres adillah, alors dans le même sens, et qu'au final il dit quoi? Il dit que toutes ces preuves qu'il a citées ne sont pas claires quant au fait que ça suffit pour les œufs. Cependant, il voit que c'est quand même valable, lui. Cheikh Ibn Hizam, il voit que c'est quand même valable. Adillah, que les autres, ils ont pris pour lui, c'est pas kawi, bien qu'il penche quand même pour ce qu'on a. Car en général, celui qui est en janaba, sa janaba inclut el hadith al-ashar kazalik. Ça le comprend avec. Donc forcément, s'il fait le rousse, ça va enlever les deux. Même s'il fait le niya juste pour le janaba, la janaba inclut el hadith al-ashar. Donc ça enlève. Tu vois? C'est plus large. Il dit même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas ordonné, quand même, de faire l'odo. Du simple fait qu'il fasse le rousse, alhamdoulilah, il est devenu tahir, il peut faire salat. Sa niya d'enlever la janaba, tout seul a suffi. Il a pris comme preuve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens général, wa in kuntum junuba fa tahharu. Que vous êtes en état de janaba, alors purifiez-vous. Et ça, c'est une parole prise, vous dites par Ahmed ibn Qayyim également, dans Badai al-Fawaid. Et que c'est une preuve qui est authentique, qui suffit. Et c'est également la parole choisie par Cheikh al-Islam et Cheikh al-Sa'adi et Cheikh al-Othaymin. Après, Dimas Allah, hel yujzi ou ghusl, el tanzif ou el tabarrud anil wudu. Est-ce que celui qui se lave pour se laver et se rafraîchir, est-ce que cela prend la place de l'eau? La réponse, non. Il n'a mal amal bin niyad. Mais il n'a pas mis niyad de tatahur. Donc c'est pas valable. Et c'était une parole de Cheikh Othaymi, de Cheikh Ibn Baz, qui avait son. Ça, c'est une inconnue, donc on va pas trop s'attarder dessus. Tout le monde le sait, ça en général. On parle de ulama qui dit cela. Qu'il n'a pas mis la niyad de se purifier. Donc c'est pas le simple fait qu'il soit mouillé après qu'ils ont fait la salat. Il fait non. Soit pour quelqu'un qui n'était pas français, qui n'était pas en janaba. D'accord? Ou même quelqu'un qui était en janaba. D'accord? Il est en janaba, il va dans la salle de bain, il se lave pour se laver des saletés. Il ne met pas la niya de roussel, de tatahur, ni rien du tout. Lui, c'est pas valable. D'accord? C'est pas valable. Il dit, mas'ala, hel yajib ad-dark ala al-a'da fi al-ghusl. Est-ce qu'il est obligatoire de frotter les membres lors du roussel? Donc il dit que la plupart des savants voient que cela est une sunna et non obligatoire. Et malgré que ce soit sunna, le shir dit que dans le hadith, il n'a pas été dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit frotté le corps. Mais afada ala sa'ir sadi, qu'il a versé ce l'eau dans son corps. Il a versé de l'eau. Mais on avait dit quoi comme tant s'il te rappelle que si l'eau ne parvient pas à un endroit, ce n'est qu'en frottant, il faut frotter. Sinon, le simple fait de verser sur toi, yakfi. Il dit mas'ala, هل يستحب غسل الجسد ثلاثا في غسل الجنابة؟ Est-ce qu'il est recommandé de laver trois fois le corps, comme pour l'eau qu'on dit trois fois, pour l'eau de janaba? Il dit que certains savants l'ont rendu mustahab, Tamam. Ils ont pris une partie d'un hadith qui va venir, le hadith de Umm Salama, où il dit Thumma hafana afwan, dans le hadith de Aïcha afwan, qu'elle est dit Thumma hafana la ra'si thalath hafanat, qu'il est versé sur sa tête trois puits, trois fois de l'eau. Mais là, il dit c'est sur sa tête seulement qu'il a fait, pas tout le corps. Pas tout le corps. Donc en fait, il n'y a pas de dalil qui dise que ton corps tu laves trois fois. Pour eux, ils voient que c'est même pas moustahab de faire cela. Car il n'y a pas de dalil. Et ça, c'est fait le col choisi par Cheikh al-Islam et Cheikh al-Othaymi. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah, et c'est notre pile radin. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.